Écoutez. S'il vous plaît, avez-vous une carte bison futé? Non, je n'en ai pas une. Comment se fait-il? On n'en trouve nulle part.